Ouais, vas-y, envoie. 1. Ok. Bah celle-là, elle s'appelle Rap de méchant, tu vois. Et je sais pas pourquoi, à chaque fois que je la joue, bah les gens ils veulent me taper. Tu fais du rap de méchant, plus t'habites chez maman. Je t'ai vu sur scène, c'est dédicace à tout bout de champ. Tu mets ta panoplie, comme tous tes gentils amis. Glandé dans la rue, tu crois aussi que c'est la vraie vie. Tu fais du rap de méchant, plus t'habites chez maman. Je t'ai vu sur scène, c'est dédicace à tout bout de champ. Tu mets ta panoplie, comme tous tes gentils amis. Glandé dans la rue, tu crois aussi que c'est la vraie vie. Je rentre sur le beat à même, je suis à même de tout péter. Ironique et neurone en HP, un rap de comique est largué. Je viens larguer des phases, des phrases toutes périmées. Rappelle-toi, moi c'est Steve et je suis là pour m'amuser. Ok, check la fat prod, c'est le J pour le beat. Un beatmaker de rêve, un mec qui sort qu'en rêve. Tu verras jamais en soirée hip-hop, ça me fait chier. Par contre, tu vas l'entendre, il est sur tous mes projets. Une paire de sgegs ou une paire d'abrutis, c'est comme tu veux, choisis. En tout cas, ça vient d'Annecy. Les derniers de la classe, ici ça ne fait aucun doute. Demande aux autres rappeurs, les neurones, rien à foutre. Du coup, on s'accroche, on taffe et on persévère. Une trentaine de concerts, déjà une putain de galère. Les salles de la région veulent pas entendre parler de rap. Ça tombe bien, nous non plus, on n'est pas payés pour entendre les ouais. Tu fais du rap de méchant, plus t'habites chez maman. Je t'ai vu sur scène, c'est dédicace à tout bout de champ. Tu mets ta panoplie, comme tous tes gentils amis. Glandé dans la rue, tu crois aussi que c'est la vraie vie. Tu fais du rap de méchant, plus t'habites chez maman. Je t'ai vu sur scène, c'est dédicace à tout bout de champ. Tu mets ta panoplie, comme tous tes gentils amis. Glandé dans la rue, tu crois aussi que c'est la vraie vie. Y'a aucune unité, juste des faux semblants. Ils s'inventent tous une histoire. Et si qu'on plaise allègrement, c'est la course pour la gloire, la renommée locale. Vas-y, va jouer à l'extérieur, tu verras ta si qu'elle passe mal. En concert, tu représentes pour ta ville et ton quartier. Et je sais pas, je me trompe, on dirait un discours de bon français. Je sais pas pour qui tu votes, ça pue la démagogie. Quand tu fais de la musique, tu travailles pour ta mairie. Oups, fallait pas le dire, t'aimes pas les institutions, hein. Ah ouais, j'oublie, c'est vrai, toi t'es dans la falsification. Faux, de la tête aux orteils, des sapes aux oreilles. Tu sonnes pareil que les autres, tu te crois une merveille. T'as rien compris, au pilier du hip-hop. Toi tu fais de la pop pour tes clones de pop. Rien qu'à voir ta panoplie, je sais déjà ce que tu écoutes. T'as pas saisi le message, ça me fait aucun doute. Tu fais du rap de méchant, plus t'habites chez maman. Je t'ai vu sur scène, c'est dédicace à tout bout de champ. Tu mets ta panoplie, comme tous tes gentils amis. Glandé dans la rue, tu crois aussi que c'est la vraie vie. Tu fais du rap de méchant, plus t'habites chez maman. Je t'ai vu sur scène, c'est dédicace à tout bout de champ. Tu mets ta panoplie, comme tous tes gentils amis. Glandé dans la rue, tu crois aussi que c'est la vraie vie. Merci aux psylopathes atypiques, hypercute. Maintenant on joue aussi en free, ça nous évite les coups de pute. Des gens qui se bougent, c'est trop rare. Et en plus, c'est cool, des gens ouverts, c'est ce que je cherche. Les autres me cassent les couilles, c'est pour l'amour de l'art. Les cherche pas l'or, je sais que ça rapporte que dalle. Alors je m'en sens d'autant plus fort, je suis même pas boycotté. Je suis trop sous-exposé, j'en ai rien à péter, je te le dis, c'est pour la créativité. Sur scène ou en studio, je suis à l'aise derrière un micro. Tant que l'esprit est bon et qu'il y a des watts dans la sono. Un beat, du volume, un flow, des textes, pas un style d'enflure qui fait tout pour qu'on le déteste. À mon avis, un sourire c'est ce qui manque au rap français. Moi j'ai ouvert la fenêtre et écoute, j'viens errer. Si tu comprends pas ce texte, passe la conclusion à l'envers. Écoute bien cette phrase, je sens que ça va te plaire. Il y a un truc que je me suis toujours demandé dans le hip-hop. Je sais pas pourquoi, mais les rappeurs sont souvent homophobes, tu vois, anti-gays. Mais pourtant les mecs ils se déplacent toujours en groupe. Y'a que des mecs, tu vois, la franche amitié virile, les pecs en avant et tout. Mais y'a jamais de meufs, c'est trop bizarre quoi. Et tu sais pourquoi les rappeurs ils marchent en boitant? C'est à force de se péter le cul entre tu eux. Tu fais du rap de méchant, plus t'habites chez maman. Je t'ai vu sur scène, c'est dédicace à tout bout de champ. Tu mets ta panoplie, comme tous tes gentils amis. Glandé dans la rue, tu crois aussi que c'est la vraie vie. Tu fais du rap de méchant, plus t'habites chez maman. Je t'ai vu sur scène, c'est dédicace à tout bout de champ. Tu mets ta panoplie, comme tous tes gentils amis. Glandé dans la rue, tu crois aussi que c'est la vraie vie. Ben t'es con.